Le vieux meunier jure les mille dieux. Si Fred se révolte et proteste. Non, c'est plutôt quelque perdu ou quelque échappé de galère qui, par malice et jalousie, aura bouché, crevé les conduits. Couronne d'abord jusqu'à là, entre guillemets, serve. Et tout le monde le suivant, tout le monde, même le notaire, nous nous mettons à remonter le petit ruisselet, si gazouilleur naguère, parmi son tapis de cresson, et dans le duquel maintenant, plus rien ne murmure. Soudain, nous entendons Siffrein. À l'aide! Au secours! À la garde! Je tiens les gaillards qui ont fait le coup! Cependant, sa voix est joyeuse. Ses gestes effarés s'accentuent de mon rire. Arrivez! Mais arrivez donc! Et savez-vous ce qu'il nous montre? Le long du bief, vers l'endroit où traverse le chemin romain que suivent les bergers lorsqu'ils vont aux Alpes, il nous montre, buvant en ordre, par escouade, sous la surveillance des chiens, avec ses grands boucs d'avant-garde, ses baudets porteurs de bagages, un de ces interminables troupeaux transhumants dont l'effectif dépasse parfois jusqu'à 1000 et 2000 têtes. Mon professeur m'avait appris que l'armée de Xerxès, en se désaltérant, tarissait les fleuves. Je ne trouvais donc pas étonnant qu'un troupeau de moutons eût suffi pour arrêter ainsi quelques minutes dans son cours cette source de fonfrédière, orgueil et richesse des Siffrins.